Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ce soir, Marc, on donne le coup d'envoi de notre premier bloc avec une formation allemande qu'on a eu le plaisir de recevoir à quelques occasions dans le cadre du festival Terra Incognita, et j'ai nommé RPVL, qui incidemment vient de lancer hier son 8e disque studio. L'album a pour titre Crime Scene, un disque qui, comme la plupart des albums de RPVL, est basé sur un thème, et comme vous l'avez deviné, Crime Scene, c'est la scène du crime, donc les chansons évoluent alentour de ce sujet. Et on a retenu pour ce soir la pièce King of the World. Je pense, Marc, après qu'on se dirige vers la France. Oui, on aura la formation Polychrome. Ils sont de la région de Paris, en France, et ils ont fait paraître leur premier album en septembre 2022, intitulé Equilibrium. Et c'est l'œuvre des deux frères Maxime et Simon Senizergue. Et c'est un album concept. Alors, on aura la pièce Run O'Clock, et ce sera suivi d'un second extrait du nouvel album. En fait, c'est le premier album de Davide Ronfetto, qui est un guitariste assez connu en Italie, musicien de studio, qui joue ici de la basse sur cet album-là. Donc, c'est son album Enlightening Nights, Darkening Days. Il est paru à la fin janvier. Et on aura ici la pièce Absent. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de RPVL. No fears, no tears, where is Thank you. Spinning up with De retour à Terra Incognita, on entame le second bloc avec une formation britannique qui a pour nom Cairo, à ne pas confondre avec la formation américaine du même nom qui a été active dans les années 90, trois albums dans le cas de la formation américaine, un en 1994, 1998 le second et 2001, donc pas de nouvelles depuis 22 ans, et je présume donc que le groupe britannique a pu récupérer le nom, et c'est c'est un album réalisé par le guitariste John Mitchell, qu'on connaît là, pour son rôle au sein de Arena, It Bites et bien d'autres groupes, Frost aussi. Et c'est un second album pour cette formation. Et le titre Nemesis, la date de parution, c'est le 5 mai prochain. Et puis, dans un second temps, on aura Les Autres, un groupe de Boston, que je qualifierais peut-être de post-rock. Ils nous présentent un second album en avril prochain, Through the Dying Light. Un premier album est paru en 2021 sous le titre de Summer Wars. Et après ça, Marc, je pense qu'on passe du côté de l'Italie. En effet, c'est la formation Livestream. Ils sont de la région de la Toscane, en Italie, et c'est leur second album, Alter Echo, qui est paru à la fin janvier de cette année. Leur premier s'intitulait Diary, était paru en 2018. Alors, de ce nouvel album, on aura la pièce Pillars of Creation, et ce sera suivi d'une formation américaine qui a pour nom Giant Brain. Et c'est leur nouvel album Grade a Grey Day, qui vient de paraître la semaine dernière, donc le 10 mars. Et de cet album, on aura la pièce 4, entre parenthèses, Rage at the Cruelty of Force of Transhumanism. Et c'est un album qu'on pourrait qualifier de posthume, puisque le guitariste Phil Durr, qui joue sur cet album-là, est décédé en 2019. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de Cairo. Not frightened when the lights fall down. Move without rest to your dance before the eternal night. pour souligner la venue en mai, le 19 et le 20 mai, de Annick Dalton dans le cadre de la 16e édition du festival Terra Incognita, on a choisi de vous présenter quelques pièces de ce groupe. On aura dans un premier temps la pièce bonus de la version japonaise de V-Mod, c'est-à-dire Sad Rain, et puis on aura aussi un extrait d'un album en concert, Waking the Dead, un album en pressage japonais. Et Marc, après ça, on termine avec ce qu'on peut qualifier d'une rareté d'Annick Dalton. Oui, en effet, on peut dire que c'est toute une rareté. Annick Dalton avait participé, comme plusieurs groupes scandinaves, à un album paru en 1995 qui s'intitule This is an Orange, dont le pressage était limité à 250 copies. Et sur cet album-là, Annick Dalton reprend une pièce de King Crimson qui apparaissait sur l'album Lizard, paru en 1971. C'est la pièce d'ouverture qui s'intitule Circus. Alors, effectivement, on est très content d'avoir Annick Dalton qui sera à Québec les 19 et 20 mai prochains dans le cadre du Festival Terra Incognita. Walking by the frozen sea, trying to count the stars that she can't see. A distant sound of black rain in the water. The pale moon shining soft through a cloud. The sun is turning black in the horizon. The wind is slowly tearing her apart. Is painted gray, but it's so warm. Searching for a light in the darkness. Try to keep your eyes from the dirt. Taste the bitter wine of tomorrow. Walking on a path that never ends. Thank you. covered with diamonds fused my dust from a light year. Squeezed me to her breast, sawed me with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, closed me in questions, built the sky for my door. Box glove which rolled on my tongue, pushed me down a slide to the arena, megaphonium fanfare. In his cloak of words strode the ringmaster, bid me join the parade. Juggling in his cloak of words strode the ringmaster, lest the mirror stop turning. Nous voici déjà à la dernière demi-heure de l'émission. Et pour débuter le bloc musical, on ira avec une formation de Montréal, la formation Mystery, qui ont présenté récemment un concert à Québec. Et ici, d'ailleurs, on aura une pièce en spectacle tirée de leur album Tales from the Netherlands, paru en 2014. Et c'était la dernière série de concerts où il y avait le chanteur Benoît David, excellent chanteur qui a participé à plusieurs albums de cette formation. Alors, on aura la pièce Wolf. Et ensuite, Michel, on poursuit avec l'œuvre d'un excellent compositeur italien qu'on aura également la chance de voir au Festival Terra Incognita cette année. On parle bien sûr de Fabio Souventi qui nous visitera à Québec le 21 mai avec son projet La Maschera di Cera. Mais pour ce soir, ça va être un extrait d'un album de Hot Sanatan, un groupe qu'on a eu le plaisir de recevoir, un des multiples projets de Fabio Souventi. Ça va être un extrait de Winter True. C'est le second disque du cycle des saisons de Souventi. C'est paru en 2008. Mais pour le moment, on y va avec Mystery. You know the reasons for my sorrow, for it's all because of you. Through the wreckage, and I don't know what to do. A child learning all the notions of a world hostile and cruel. He turns to mother in devotion to find out the living. Thank you. conclure l'émission, on aura une formation de Cuba tirée de leur album The Way, paru en 2010, et ce sera la pièce Flying to the Sun. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 21h. Restez des nôtres sur les ondes de CKRL puisque c'est l'émission L'Autoroute tout de suite après. Bonne semaine et à bientôt.